Rodolphe n'a pas fort à faire pour séduire Emma. Celle-ci s'est jetée toute son âme dans cette aventure. Mais Rodolphe, cela c'est bientôt, de cette compagne jalouse à la sensibilité romanesque. Une opération manquée rabaisse encore Charles dans l'esprit de sa femme, qui veut se faire enlever par Rodolphe. Tout est combiné pour cet enlèvement, mais, au jour fixé, Rodolphe, qui n'a aucun goût pour les complications et se soucie peu de lier sa vie à celle d'Emma, rompt avec elle par lettre et quitte le village. Emma tombe malade d'une fièvre cérébrale, au cours de laquelle elle est prise d'une crise de ferveur religieuse. Dès sa convalescence, Charles l'emmène au théâtre de Rouen pour la distraire, et une coïncidence les met en présence de Léon Dupuis, qui est clerc dans une étude de la ville.